Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة والأخوات نواصل الكلام في دراسة رسالة نواقض الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah Azza wa Jal l'étude de l'épître Les Annulatifs de l'Islam du Cheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. La semaine passée, nous avons évoqué le septième annulatif de l'islam, qui est la sorcellerie, à travers laquelle la personne travaille avec les diables, en les adorant et en obéissant à leurs différentes demandes. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit à la suite de cela, « الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين » Il dit, rahimahullahu ta'ala, le huitième annulatif de l'islam, soutenir et aider les polythéistes contre les musulmans. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les injustes. Sourate al-Ma'idah, verset 51. L'auteur du livre a mentionné dans cet annulatif le fait de soutenir et d'aider les mécréants contre les musulmans. Car ce point, en réalité, et cet annulatif revient et est lié au fondement de l'alliance et le désaveu. Il est bien connu que la définition de l'islam, comme l'a cité l'auteur dans son épître, les trois fondements, c'est de se soumettre à Allah à travers le tawhid, le monothéisme, se soumettre à lui en lui obéissant tout en se désavouant du polythéisme et de ses adeptes. Et la preuve de cela, elle est dans la parole d'Allah Azza wa Jal, dans Surat Al-Mumtahina, il dit « Subhanahu wa ta'ala » قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Il dit dans le sens du verset, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui quand ils dirent à leur peuple: nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Surat al-Mumtahina, verset 4. Ceci implique donc que le croyant doit se désavouer de ce qui contredit l'islam, c'est-à-dire se désavouer du shirk et de ses adeptes. Cheikhul Islam a dit dans son livre Al-Furqan, la base de l'alliance, c'est l'amour et le rapprochement. Et la base du désaveu, c'est l'aversion et l'éloignement. Donc ce qui est voulu de l'alliance, c'est l'amour, le secours, l'assistance et le soutien. Et ce qui est voulu du désaveu, c'est l'aversion et le fait de ne pas secourir. Le grand savant, Abdul Latif, Ibn Hassan, le petit-fils de Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahumallah, a dit une parole rapportée dans la Durar al-Saniya. Il a dit concernant l'alliance aux mécréants, il dit l'appellation, l'alliance est de plusieurs branches. Il y a l'alliance qui implique une apostasie qui fait sortir de l'islam, Et il y a l'alliance en deçà de cela, c'est-à-dire une alliance qui est interdite et qui est un grand péché, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Nous voyons à travers cette parole que l'alliance aux mécréants n'est pas dans l'absolu une mécréance. De ce fait, l'alliance et l'assistance aux mécréants se divisent en deux. Premièrement, l'alliance est le soutien qui fait sortir de l'islam. Ceci, si cette alliance et ce soutien est fait par amour de la religion des mécréants et par désir de voir les mécréants s'élever au-dessus ou avoir le dessus des musulmans. Le cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, a dit concernant cette catégorie, l'alliance et l'assistance aux mécréants par amour et agrément de leur religion est sans aucun doute de la mécréance tant que la personne n'agit pas sous la contrainte. Et cette catégorie est celle que l'auteur du livre a citée dans cet épître. L'auteur du livre, à la suite de cela, ou pour cette catégorie, a cité comme preuve le verset 51 de Sourate Al-Ma'ida. Allahu Azza wa Jal a dit « Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wa al-nasara awliya ba'duhum awliya u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahum minhum inna allaha la yahdi al-qawm al-zalimin. » Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les injustes. Verset 51, Sourate Al-Ma'ida. Le savant Ibn al-Jawzi, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de la parole, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Il dit, c'est-à-dire celui qui s'allie à eux dans la religion, pour la religion, fait partie d'eux dans la mécréance. Fin de citation. Nous voyons à travers cela que le fait de soutenir et d'aider les mécréants pour leur religion contre les musulmans, alors ceci est une mécréance qui fait sortir de l'islam. La deuxième catégorie, c'est l'alliance et le soutien aux mécréants contre les musulmans qui ne fait pas sortir de l'islam, mais qui est une désobéissance et qui est un grand péché. Ceci si la personne recherche à travers cela un bien mondain, ou par peur, tout en ayant de l'aversion pour la mécréance et ses adeptes. Et il y a plusieurs preuves dans la sunna qui corroborent cela, et l'une des plus connues est le hadith de Hatib ibn Abi Balta'a, hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. D'après Ubaydillah ibn Abi Rafi' radiyallahu anhu qui a dit, j'ai entendu Ali radiyallahu anhu dire, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a envoyé moi et Az-Zubayr et Al-Miqdad ibn Al-Aswad radiyallahu anhum en disant, partez jusqu'à ce que vous arriviez à Rawdat Khakhin, qui est un endroit entre Mecca et Al-Madina. Il y a une femme qui voyage dans une litière et qui a avec elle une lettre que vous saisirez. Nous sommes donc partis rapidement avec nos chevaux jusqu'à arriver à Rawda auprès de la femme. Nous lui avons dit, sors la lettre. Elle dit alors, je n'ai pas de lettre avec moi. Nous lui avons dit, tu vas certes sortir la lettre ou nous allons jeter les vêtements qui sont sur toi. Elle sortit la lettre qui était cachée dans ses tresses. Nous l'amenâmes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il se trouvait écrit dans la lettre de la part de Hatib ibn Abi Balta'a à des gens parmi les polythéistes de la Mecque, les informant de quelques actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, ô Hatib, qu'est-ce que cela? Il dit alors au messager d'Allah, ô messager, ne te hâte pas à mon sujet. J'étais une personne qui était avec le peuple de Quraysh, mais je n'avais pas de lien, de filiation avec eux, alors que ceux qui étaient avec toi parmi les émigrés avaient des parents à la Mecque à travers lesquels ils protégeaient leur famille et leurs biens. J'ai donc voulu à travers cela protéger mes proches. Et je ne l'ai pas fait par mécréance, ni par apostasie, ni par amour de la mécréance après l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il a certes dit vrai. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dit alors, ô messager d'Allah, laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. Le prophète dit alors, il a participé à la bataille de Badr Et le sais-tu, Allah a certes regardé les gens de la bataille de Badr et a dit « Faites ce que vous voulez car je vous ai pardonné ». Dans une autre version, il a été rajouté à la suite de cela qu'Allah Azza wa Jal fit alors descendre le verset 1 de Surat al-Mumtahina « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur, si vous êtes sorti pour lutter dans mon sentier et pour rechercher mon agrément. » Nous retenons de ce récit, premièrement, que celui qui commet un acte ou dit une parole dans lesquelles on peut comprendre la mécréance et autre que la mécréance, alors on ne juge pas de la mécréance de ce dernier jusqu'à faire plus de recherches, jusqu'à questionner et jusqu'à que le cas de cette personne s'éclaircisse. Ceci car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dans un premier temps demandé à Hatib en le questionnant « Ô Hatib, qu'est-ce que cela ?» Deuxièmement, que ce n'est pas tout soutien, aide et assistance aux mécréants qui est une mécréance qui fait sortir de l'islam. Nous retenons donc de cet annulatif et de ces textes que l'aide, le soutien et l'alliance aux mécréants contre les musulmans se divisent en deux. La première catégorie, celle qui fait sortir de l'islam, si à travers celle-ci la personne fait cela par amour de leur religion, par amour et par agrément de leur religion. La deuxième catégorie, celle qui ne fait pas sortir de l'islam, si la personne cherche à travers cela un bien mondain quelconque et non pas par amour et agrément de la mécréance. Mais cette dernière reste interdite et est un grand péché. فَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ. Nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Notre prochain rendez-vous sera la semaine prochaine, بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى. فَنَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَنَا مِنَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.